écoutez Radio Veillez et Priez, une radio web chrétienne qui diffuse les enseignements sur la fin du temps et le retour de Jésus-Christ. Et vous ne pouvez pas obtenir. Dans ces conditions-là, il n'est pas possible qu'on obtienne quoi que ce soit devant Dieu. Pourquoi? Parce que je veux faire passer ma volonté au-dessus de la volonté de mon frère, au-dessus de la volonté d'autrui. Par conséquent, je veux même faire passer ma volonté au-dessus de celle de Dieu. Parce que Romains 8, verset 8, nous dit quoi? Que toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Alors, si Dieu a voulu que ton prochain, mais ton voisin, ait cette chose-là avant toi, ça concourt pour qui? Pour ton bien, pas vrai? Amen. Alors, le fait de les haïr, le fait de l'envier, de l'avoir en haine, en aversion, nous sommes des meurtriers. Nous dit l'apôtre Jean. Hein, frère bien-aimé? Les relations, nos relations entre nos frères. Les relations. Comment sont nos relations? Entachées d'hypocrisie. Ça vient du cœur. Du cœur, c'est l'origine. Il dit, vos passions qui combattent dans vos membres. Les passions qui combattent dans vos membres. Que Dieu vous bénisse. Amen. On continuera la prochaine fois par la grâce de Dieu. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Dieu vous salue encore. Que Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse. C'est bon au fond. Dieu te bénisse. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Je pensais qu'en arrivant ici avec les embouteillages, là vous serez là parti. Vous allez bien? J'ai raté ton plan. J'ai raté mon plan. On peut continuer la... Quoi, la quatrième partie où... Non, il y a des gens qui dorment bien, donc c'est mieux qu'on finisse. Vous êtes fatigué, non? Prions alors, prions. Tendre Père, nous te sommes reconnaissants pour ce que tu fais pour nous. Merci Seigneur pour la droite ligne que tu traces pour nous. Merci pour le canevas que tu nous donnes. Merci Dieu de gloire pour tout ce que tu fais pour nous, pour ton peuple. Seigneur, merci pour tes enfants partout dans le monde entier. Dieu de gloire, nous prions pour tous ceux-là qui se trouvent du côté de la Chine. Du côté de l'Arabie Saoudite particulièrement. Nous prions, Père, et que tu les fasses pour tous ceux là de l'Inde qui parcourent et passent par des moments de tribulation. Et prie au Dieu de gloire que tu manifestes ta gloire dans leur vie et que tu diriges chaque cœur vers toi. Merci pour ce moment de rafraîchissement que tu disposes pour l'Église. Que ton nom soit élevé. Nous nous confions à toi, Père de gloire, nos corps, notre âme et notre esprit. Car tu es notre Dieu. Notre roi, notre sauveur, notre rédempteur et notre Père, nous nous remettons à toi. Viens inscrire ta parole dans notre être, afin que nous marchions d'après elle. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Je crois que comme vous avez eu à être entretenu dans la parole, je vais juste vous transmettre quelques messages. J'espère que vous tous vous êtes à jeûne, non? Justement, j'ai remarqué que les graisses là ont... Les graisses finissent. Donc permettez-moi de dire quelques messages. Trois. Je veux dire cela parce que ça me tient beaucoup. Tant que je ne libère pas, je dis voici la dernière fois que j'en parle. Maintenant, si je ne dis pas, et puis ça me dérange. Je ne parviens pas à dormir à cause de cela. Donc je vais donner trois messages encore aujourd'hui. Afin que nul n'en ignore. Et si vous buvez, si vous enregistrez, faites-en bon usage. D'accord. Maintenant, puisqu'il est de coutume que je parle en parabole, et vous dites que je parle en parabole, je ne parlerai pas en parabole. Je crois que quand je vais finir de parler, je vais vous poser des questions si vous avez compris. D'accord, mes frères. Si vous avez compris, si vous allez enregistrer, vous envoyez votre téléphone ici, que ce soit proche de moi, il ne bougerait pas, il se fait parler ici. Donnez-moi. Faites-en bon usage. Et ça veut dire que si vous n'écoutez, vous ne comprenez pas bien, vous réécoutez, vous réécoutez, vous réécoutez jusqu'à ce que vous soyez sûr que vous avez compris ce que j'ai dit. Mais je crois que vous allez convenir avec moi que quand je vais finir de parler, ce sera sans appel. Vous saurez que c'est clair. Donc je ne parlerai pas avec le parabole, du moins pour les trois que je vais donner. C'est bon? Pas de connexion réseau. Voilà quelqu'un qui. Non, mais voilà, pas de ça. Alors, on peut commencer, n'est-ce pas? Donc, toute votre attention maintenant. Et je vous avais dit la dernière fois, pendant qu'on allait prier, pendant ce moment, ce mois, comme nous sommes majeurs, pendant que vous priez pour vous-même, pensez à votre pays, d'accord? Si vous priez, vous verrez ces messages. Si Dieu vous donnera certainement des messages pour notre pays. Souvenez-vous que le Seigneur ne peut pas faire quoi que ce soit dans un pays. Des choses ne peuvent pas arriver sans qu'il n'avertisse. Je dis ceci afin que nul n'en ignore. J'ai vu une situation dans ce pays-ci. Ce que je peux faire, j'ai juste dit non. Je crois que ce serait mieux que je me tiens ici. Donc je suis dans le premier de ceci. J'ai dit non. Et j'ai dit non. Vous allez comprendre pourquoi je suis en train de dire non. Non, pas ceci dans mon pays. Une situation à la Samuel Do. Donc, je suppose que je suis obligé de libérer ceci. Il ne faut pas que ceci arrive chez nous. Parce que j'ai vu des gens. En tout cas, la quintessence du message se trouve là. Une situation à la Samuel Do. Alors, l'autre volet de ceci, c'est. Quand je regarde la cause, c'est ce problème du nord-ouest et du sud-ouest. Donc, il faut que le président de la République appelle au plus vite, sinon très vite, autour d'une table, une commission, ou bien vous appelez une commission de paix, de réconciliation et de vérité pour tout le monde, sans exception, y compris les extrémistes. Si tel n'est pas le cas, on a deux volets qui se trouvent devant nous. Du côté du nord du pays, ça boue là-bas. Je suis en train de regarder quelque chose exploser là-bas. Pas une explosion, un autre soulèvement du côté du nord. Le nord va se fâcher. Le nord du pays va se fâcher. Du moins, quand il dit le nord du pays, c'est-à-dire qu'il parle de la population du nord. S'il vous plaît, ou bien vous voulez le grand nord. Et donc, vous allez commencer à voir, donc, ça va commencer à sortir par des groupuscules qui s'appellent appeler les opposants qui vont naître là-bas, subitement comme les champignons, en se réclamant donc des opposants. Et là, ils seront donc le porte-parole de laisser pour compte, des gens qu'on a trompés pour longtemps. Maintenant, pendant qu'on a dit de résoudre ici pour éteindre le feu de ce côté, souvenez-vous, en 2016-2017, j'avais dit que ça devait faire être dans des spots et spots, ce que j'avais dit, n'est-ce pas? Donc, le nom, si ça commence, ça sera grave. Et donc, voici donc la situation. Si ce problème s'il n'est pas calmé le plus rapidement possible afin que la sortie soit à mi-terme, il faut que ça soit vite géré autour d'une table de négociation. Vous appelez paix, vérité, réconciliation. Paix, vérité, réconciliation. Autour d'une table. Si ce n'est pas géré, voici des groupes qui se trouvent maintenant en train de discuter pour le cas, pour son cas. Maintenant, souvenez-vous d'une prophétie que j'ai dit ici. J'ai dit. L'aigle s'est tourné vers le lion. Donc ça se discute à ces sujets-là. Et dans un autre, j'avais parlé que comment je vais mettre cela. Un départ pour ne plus jamais retourner. Il ne faut pas que ceci arrive de cette façon-ci. Alors, je suis en train de faire. Vous voyez que je ne suis pas en train de parler en parabole. Je suis en train de parler vraiment doucement, posément et clairement afin que vous sachiez. Ça, c'est clairement pour le chef de l'État du Cameroun. Afin que la solution soit trouvée si rapidement. Ça, c'est la pensée de l'esprit là-dedans. Donc, des réunions secrètes se tiennent pour le cas du Cameroun. Pour résoudre le cas du Cameroun. Et ces réunions secrètes se passent non pas dans notre pays, à l'extérieur. Et par conséquent, ce qui attend, c'est. Il faut que cette réunion se soit rapidement. Sinon, très rapidement. Afin que quelqu'un initie un conseil dans l'ONU. Si le conseil est appelé à l'ONU pour tourner le cas du Cameroun, vous êtes cuit. Alors, vous connaissez Samuel Do. Ça va faire de telle sorte que la population des jeunes qui seront dehors, tous les militaires rassemblés ne pourront rien contre cela. Samuel Eto'o, souvenez-vous de cela. Donc je crois que c'est bien clair. J'ai pas dit quoi que ce soit en parabole, non? N'est-ce pas les frères? Amen. Vous dites comment ça? Ah, mais après quand ils sont, vous dites autre chose que j'ai pas dit. Donc voilà de quoi ils sont parlés. Ça fait depuis des jours, ils sont allés prier pour cela. Et puis ça me dérange. Donc je suis sorti de cette vision, je dis que non, Seigneur, pas ça dans ce pays. Pas ça dans ce pays. Donc, prions. Voilà, donc j'en ai terminé. Un, il faut une réunion de réconciliation le plus vite et très vite. Sinon, si l'autre réunion qui en a laissé préparer à l'extérieur, de façon sous-jacente, c'est-à-dire que ça se passe hors vue de la presse, les gens ne savent pas de quoi il est question. Si ça appelle, vous entendez que le conseil de sécurité se réunit de façon spéciale pour le Cameroun, préparez-vous. Ça ne sera pas bon pour nous. Et ça pourra être vraiment difficile maintenant pour nous si ça en mêle. Donc pour qu'il ne s'en mêle pas, il est question que les gens de ce pays se résolvent ce problème aussi rapidement. Rapidement. Rapidement. Je n'en parlerai plus d'autres. Ils sont sur le point de s'en mêler parce qu'il y a un groupe de 10 sénateurs puissants américains qui ont saisi justement leur gouvernement oui. Par rapport au cas du Cameroun. Et le sous-secrétaire aux affaires étrangères a dit écrit aux Camerounais pour dire que si ce n'est pas résolu, si on ne convoque pas une réunion inclusive de réconciliation, c'est que la situation va se... Il crée comment on appelle encore ça? Une aggravation rapide de la situation. En tout cas, ce qui est devant nous, Samuel Eto'o, gardez-vous cela à l'esprit. En fait, les sénateurs ont demandé aux Américains d'intervenir directement. Voilà. Donc faisons, je crois que j'en ai terminé. Je vous pose une question maintenant. Ce soir, nous sommes le 12 décembre. Ai-je parlé en parabole? Je n'ai pas parlé en parabole. Il y a une urgence. Parce que la façon dont j'ai vu ces gens dans la rue, dites, fermez le cœur du peuple au cri de la révolte. Parce que quand ça va exploser du côté du nord, c'est pas comment on va gérer ceci. On y va, frère. Voilà. La deuxième chose, j'ai vu, il y a une compagnie aérienne qui transporte seulement les marchandises jaunes. J'ai vu un crash de cette compagnie. C'était terrifiant. C'est terrifiant parce que cette nuit-ci, parce que je me suis réveillé à plusieurs reprises pour prier. À 2h, donc dès que je me suis mis à genoux pour prier, que j'ai vu cela, vous savez ce qui est arrivé. Et puis à 5h, quand je me lève, je vais prier encore de nouveau avant d'aller laver les enfants pour les amener à l'école, pour les préparer pour l'école. Je me mets à genoux, je suis en train de prier. Ah, pour une première fois, j'ai eu peur de ma vie. La grande peur de ma vie, c'est aujourd'hui, ce matin-ci. Puisque j'ai vu ça, je venais de voir cela et puis je suis en train de prier. Et vous savez que les avions se lèvent tout autour de notre toiture. Et puis, il y a un voisin qui tire la barrière. Ah, miséricorde de miséricorde, heureux que ça soit été la barrière. Il y a un voisin qui tire la barrière. Vous savez, il y a les sur les barrières qu'on ouvre pour que ça ouvre. Ça a fait boum. Ah, frère, j'ai cru que c'était l'avion là qui avait craché à côté de moi en réalité. Quand j'ai dû arrêter la prière, j'ai dit, c'est quoi ça? Après, j'ai entendu comment une voiture sortait. J'ai dit, ouf, merci Seigneur. Donc, prions pour les compagnies aériennes. D'accord? La compagnie aérienne DHL particulièrement. Parce que j'ai vu cela, ça s'est développé. Donc, pendant que ça s'élevait, déployé, le moteur a lâché. Wow! DHL, j'ai bien vu. DHL, j'ai dit, non, pas ça. Et en deuxième lieu, j'ai vu encore une autre compagnie. Maintenant, regardez, suivez attentivement. Regardez la façon dont je vais parler. J'ai vu une autre compagnie et dans les airs, j'étais dans le cockpit. Et puis, je voyais l'un des pilotes, l'ordinateur du bord a eu des problèmes. Quand ça a eu des problèmes, il a reprogrammé, il a raté le cheminement, l'itinéraire ou bien le tracé. Où est-ce que cet avion s'est pas? Il est temps que le gouvernement camerounais regarde bien la compagnie Cameco de la bonne façon. Ouais. Franchement. Parce que ça, c'est pas bon. J'ai parlé d'eux déjà. N'est-ce pas, frère? Donc, j'ai parlé de la première partie, c'est Samuel Eto'o. Deuxième partie, j'ai parlé de ce crash-ci et ces choses dont on va regarder. La troisième, c'est pour ça qu'il coule la troisième. Il va aller vraiment doucement. Je veux toute votre attention, vous me regardez. J'ai vu une tentative d'assassinat sur la personne du professeur Maurice Kamto, programmée. Tentative d'assassinat sur la personne de Maurice Kamto, le professeur Maurice Kamto. Il faut que j'explique ceci. Je vais vraiment expliquer doucement. Et là, pendant que j'étais dans le son, je voyais ces choses-là, et j'ai entendu Félix Momier, 3 novembre 60. Félix Momier, 3 novembre 60. En réalité... Ça, la chose est tellement réelle que j'étais en même temps présent pour voir ce qui allait se passer. Je ne sais pas où va mon pays. Je suis franchement dépassé par ce pays. Mais ça ne se passe pas à l'intérieur du Cameroun. C'est ça le problème. Ça se passe, c'est pour ça. Je comprends maintenant, pendant que je vous en ai expliqué, je comprends pourquoi le Saint-Esprit disait Félix Momi. Voyez cela parce qu'il a été assassiné à l'extérieur du pays. Donc, il est mieux en sécurité dans ce pays-ci. Maintenant, je tente de regarder cet homme-là. Bon, le nom du pays dans lequel il se trouve, je vois le nom du pays. Mais il y a le nom qui est écrit sur ce bâtiment-là, dont je garde pour moi. Mais la forme du pays, la forme des styles des bâtiments, d'habitation. Vous savez, ce genre d'habitation avec les tôles sous la forme de triangle. Pour empêcher la neige de rester sur la toiture. Parce que c'est fait de forme de triangle comme ça. Ça a commencé d'abord par montrer la forme de la maison avant que j'y entre. Avec la forme de la maison, j'entends le nom du pays. Puis je vois ces choses écrites sur le mur de la maison. Et puis j'y entre. Et puis je me tiens là. Maintenant, je ne connais pas sa femme physiquement. Encore moins ses enfants. Mais je l'ai vu assis à côté d'un lit. J'ai remarqué qu'il y avait une femme. Donc, la façon dont je me tiens au devant de lui, il est tout juste devant moi droit. Je ne sais pas si vous voyez. Droit devant moi. Il est devant moi. Et sur sa droite, donc à ma gauche, se trouve un lit. Et sur ce lit-là, il y a une première personne qui est assise. Lui, il est assis. Les deux personnes sont allongées sur le lit. Et la personne qui est plus proche de lui a une taille, elle est mince de corps. Mince de corps, je crois que... Elle est exact. Voilà, vous voyez, un moment, il dit là. Voilà, c'est le genre de corps que j'ai vu comme ça. Même taille, et même corpulence. Donc, c'est cette personne qui est couchée à côté d'elle. Et puis, maintenant, vient une autre personne qui... semble lui ressembler, une autre femme, une jeune fille, semble ressembler à celle-ci. Donc c'est comme si c'était sa fille. Mais j'ai remarqué, je suis allé donner les détails de ce que j'ai vu. Je vous raconte ce que j'ai vu. Mais ce que je sais, c'est qu'à l'issue de ceci, c'est une tentative d'assassinat sur le professeur Maurice Kamto. Et je vous montre, je suis en train d'avancer doucement, d'accord? Remarquez une fois de plus que je ne parle rien en parabole. Je restitue. Je suis allé prier pour l'église, je suis allé prier pour l'église, ces choses sont devenues, ça me dérange, je ne peux pas savoir comment ça me dérange. Et puis cette fille-là, elle a le genre de tresse qu'elle a, ce n'est pas, elle n'a pas tressé avec, elle n'a pas adjoint quelque chose là-dessus, on a pris ses propres cheveux pour tresser celle-là, donc c'est comme les locks, vous appelez les locks. C'est ça, elle a porté, et puis elle a porté un collant noir avec un haut blanc. Et elle est en train de, c'est comme si elle a de consoler sa maman. Donc c'est comme si cette femme, ce que je vois, est sa femme, est sa maman, ou bien la maman de cette fille, ou mieux encore, si cette femme, si c'est la femme de Kamto, on l'a essayé de l'assassiner. C'est comme si on l'a empoisonné. Parce que quand je l'ai vue sur le lit, le monsieur était assis à côté d'elle et elle était allongée. Parce que j'ai regardé, d'abord quand je suis sorti de la vision, je regarde, mais elle est enceinte. Je remarque que le ventre n'est pas gros. Parce que la façon dont elle est couchée, elle n'est pas non plus dans un hôpital pour qu'on dise que non, ça c'est un hôpital, mais dans une maison normalement. Mais parce qu'elle est habillée normalement, tout le monde est habillé normalement, il n'y a pas des habits, je n'ai pas vu des docteurs là-bas. Donc je regarde son ventre n'est pas, vous savez, quand une femme est enceinte, on pourrait dire que c'est ça. Mais le problème c'est qu'elle se trouve à l'extérieur du pays. Vous voyez cela? Elle se trouve à l'extérieur du pays parce que j'ai commencé par voir l'extérieur. Maintenant, lorsque mon attention s'est focalisée sur elle, après quand j'ai regardé sur ce monsieur-ci. Je vais tout voir. Vous me suivez bien? Voilà. Donc, quand j'ai regardé sur le professeur Maurice Kamto, là particulièrement, il n'était pas avec les verres. Il n'avait pas le verre. Vous voyez? Il n'avait pas ses verres. Et à plusieurs reprises, le Saint-Esprit zoomait sur son visage. Allez et revenez. Pour que je remarque la jeunesse de son visage. Il dit, pendant que je regardais, il dit, mais 64 ans, c'est devenu dans le songe. Il ne connaît pas quel est son âge non plus. Et je dis, mais est-ce cet homme-ci, est-ce qu'il a 64 ans? Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que là, il avait l'aspect jeune, bien coiffé, mais il n'est pas habillé en veste. Il est habillé avec une couture style sénégalais ou bien ivoirien, mais fermé, avec une longue fermeture qui part du cou jusqu'en bas, marron. Il est là simple, mais sans verre. Et puis quand je regardais son visage, il me paraissait encore plus jeune. Donc, ça signifie qu'il avait duré à l'extérieur à cause de ses cas-ci. Il avait duré à l'extérieur au point où il a pris de la fraîcheur. Vous voyez ce que je dis, n'est-ce pas? Maintenant, je me tourne vers cette femme, je dis, je ne sais pas si c'est sa femme, c'est une femme qui est couchée, mais la proximité qu'il avait avec celle-ci couchée sur le lit, j'ai comme l'impression que c'est son épouse, mais je ne connais pas quelle est sa forme, mais elle est mince comme ça, là, un peu taillée. Et puis cette femme a commencé à faire comme ça, remarquez bien ma main, elle touche sa main depuis son œsophage jusqu'en bas, comme si elle souffrait, vous voyez cela, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que ce n'est pas la grossesse normalement est ferrée ici. C'est comme si cette femme-ci a été empoisonnée. Et puis, à cause de cette poison, elle s'est déplacée pour l'extérieur. Donc, c'est comme ça qu'il peut mettre ça. Vous voyez cela? Mais maintenant, dans cette situation-ci, dans son groupe, maintenant je me retrouve à l'extérieur, son groupe, c'est comme si les gens viennent lui rendre visite. Il y a des intrus là-bas. Que dis-je? C'est comme s'il y a des gens de SS. C'est comme ça qu'il peut mettre. qui se trouvent là-bas à proximité et qui ont pour mission d'accomplir tel Félix Moumi. C'est parce que vous comprenez. Et puis je tiens là comme ça. J'observe, je ne sais pas si j'étais visible ou bien s'il me voyait ou bien je ne sais pas. Mais je pouvais voir en même temps ce garçon qui en effet, il avait une portion de liquide transparent ou c'est homme molle, quoi molle, ou c'est si à quoi, quelque chose comme ça. Et puis il était là, il causait en donnant des idées. Bon, enfin, de toute façon, le groupe était dehors. Et en tant que, comme je vous ai décrit, j'étais à l'intérieur voyant toute la scène. Et puis je suis à l'extérieur encore voyant parce qu'il fallait que ceci fasse l'entrée. Dans un autre endroit, j'ai vu la table de nourriture qui était chargée. Et il y a le, on s'appelait les jus de fruits là. Et puis ce garçon, dès que ce garçon a franchi, il avait un sac là. Dès qu'il a franchi, comme si c'était son tour pour aller le regarder, je savais qu'il allait faire ça. Il dit que non, non, non. Mais c'est comme s'il parlait, personne ne m'entendait. Puis parce qu'il pouvait voir la chose se dérouler. Non, non, non. Il est allé, il a ouvert une chose là. Il a versé dans le jus de fruits, versé dans la nourriture qui était là-bas. C'est liquide là. Et quand il a versé, il est venu continuer sa chose. J'étais là à côté de ce monsieur, il dit que ne mange pas ça, ne bois pas cela. En tout cas, il est sorti maintenant pour les accompagner. J'ai vu sa bouche qui remuait. C'est comme c'est un reste de repas. Il remuait. Je dis, miséricorde, j'espère qu'il n'a pas mangé ceci. J'espère qu'il n'a pas mangé ceci. Je disais, la solution, ce serait de prendre ce jus et partager et donner à ces garçons-là. S'il ne boit pas, lui, il ne boit pas. C'est ce que je t'en ai pensé dans le songe. Et puis, j'ai regardé comme ça. J'ai dit, va-t-il boire cela? La nourriture, c'est pas sur la table. Les personnes sont autour de lui, ce sont des gens, il y a des infiltrés, programmés à l'extérieur. Il dit, ça ne se passe pas ici à l'intérieur du Cameroun, mais je pense que pour sa femme, ça, quelque chose s'est passé ici, elle a voyagé, en toute urgence. Vous m'avez compris, frère? Et donc, tentative d'assassinat sur le professeur Maurice Kanteur. Baissons la tête, prions. Prions non seulement pour lui, prions aussi pour les compagnies aériennes, l'espace aérien du Cameroun. Puis prions pour notre Cameroun. Prions pour le chef de l'État. Vous avez dit dans un truc ici où j'avais dit je me tiens dans un endroit, le haut lieu de ce pays ici, et puis j'entendais derrière la porte, ça s'est discuté là-bas. Et puis sa femme s'était tenue à ma droite là-bas. Prions pour la première dame, prions pour le président de la République, prions pour les autorités de ce pays, prions pour le professeur Maurice Kanteur. Je vais revenir sur lui dans un autre renseignement, plaise au Seigneur. Tentative d'assassinat. Vont-ils réussir? Est-ce qu'ils vont faire cela? Est-ce qu'il pourra s'entretenir? Quoi qu'il va falloir qu'il fasse attention. Avec tout quiconque vient vers lui, je crois qu'il va falloir sélectionner vraiment, vraiment qu'il lui serve quelque chose à manger. Vraiment. Tendre Père, merci parce que tu montres ces choses pour nous prévenir. Merci Seigneur Dieu de gloire, parce que tu as dit qu'il n'y a rien de caché qui sera révélé. Je prie au Dieu de gloire, je prie au Dieu de gloire que tu manifestes ta gloire, que tu touches les cœurs des différents protagonistes dont tu as montré. J'ai pris au Père de gloire pour le chef de l'État de ce pays avec son gouvernement tout entier. J'ai pris au Dieu de gloire que tu consoles le cœur de son épouse et de ses enfants. J'ai pris au Dieu de gloire que ta miséricorde se penche sur la vie, que ta protection soit sur ce pays. Nous prions au Dieu de gloire, afin au Dieu que tu viennes au secours de tous les vols qui se traversent, qui traversent notre territoire. J'ai pris au Père de gloire que tu manifestes ta puissance. Oh Dieu, toutes ces choses, tous ces êtres qui réclament le sang dans ce pays, nous prions que tu fermes la gueule des lions. Merci Père de gloire de révéler à ce professeur et à sa famille d'être vigilant Père de gloire. Seigneur, je prie au Dieu de gloire que tu manifestes ta puissance dans leur vie. Je prie au Dieu de gloire que tu les protèges. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je prie Dieu de gloire que tu les protèges, que tu veilles sur son épouse, si son enfant ou ses enfants. Et prie que tu lui accordes la sagesse. Protège-le. Protège-le. Protège notre pays. Je prie au Dieu que tu fermes le ciel du Cameroun contre le mal. Que tu fermes le cœur des enfants. Que tu accordes à nos dirigeants la sagesse pour résoudre ces problèmes. Seigneur, amène au Dieu de gloire sur la scène l'homme présidentiel pour cet effet. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom du Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. S'il vous plaît, priez considérablement pour ces trois, lorsque vous serez dans votre prière. Maintenant, voici l'une des raisons que je sens pourquoi il fait mention de ce troisième cas de l'assassinat du président. Et pendant qu'il est en prie pour regarder pourquoi le Félix Moumi, vous appelez Félix Moumi, ce qu'il a dit, Félix Moumi, pour ce 3 novembre 60 à Genève, quelque chose comme ça. C'est ce que j'ai entendu. Maintenant, écoutez très attentivement. Quiconque, puisque c'est enregistré, quiconque participe

Alléluia. Alléluia.